Allô, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Je vous téléphone concernant vos week-ends montgolfières. J'aimerais connaître vos tarifs pour deux personnes, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Pour deux personnes, nous proposons un forfait de 740 euros, tout compris. Et que comprend exactement ce forfait ? Il comprend l'hébergement pour deux nuits, petit déjeuner inclus, le vol en montgolfière exclusif, les trois restaurants et une visite des caves avec dégustation gratuite. Et où logerons-nous exactement ? Vous dormirez en chambre d'hôte, dans une propriété du XVIe siècle. Chambre d'hôte ? Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? En fait, les chambres d'hôte, ce sont des chambres meublées situées chez l'habitant dans sa maison. Ah, très bien ! Merci beaucoup. Et quand et où aura lieu le vol en montgolfière ? Alors, le lever est prévu vers 6 heures. Je vous emmène ensuite jusqu'au terrain de décollage qui se trouve près de Meursault. Le vol est prévu pour 7 heures. Et combien de temps durera le vol ? La durée de vol est d'environ 1 heure. Ça me semble parfait. Comment fait-on pour réserver ? Vous pouvez le faire maintenant par téléphone. Je vous demanderai juste de régler une avance de 50% pour la confirmation. Vous réglerez le reste sur place. D'accord. Et je vous règle l'avance comment ? Par chèque ? Tout à fait. Vous pouvez m'envoyer un chèque à l'ordre de Monsieur Vincent Lefort ou effectuer un virement bancaire. Très bien. Bon, je vais réfléchir et je vous rappelle plus tard. Parfait. J'attends donc votre appel. Au revoir. Je vous remercie. Au revoir, monsieur.